One, two, three, bah! Génération 60, le son des 60s. Salut, c'est Mike Lécuyer. Ah, les Yardbirds. Ils commencent comme un groupe de blues, rhythm blues, mais très vite, ils s'orientent vers une pop musique un petit peu plus léchée, plus sophistiquée, ce qui contribuera au départ d'Eric Clapton, leur guitariste, qui a juste le temps de publier avec eux ce fameux 45 tours « For Your Love », les Yardbirds en 1965. Dream on me at night. For your love. For your love. For your love. I would give the stars above. Bob Dylan en 1965, un extraordinaire 33 tours avec Highway 61 Revisited. Bob Dylan, yeah. To Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where do you want this killing done? God said, on down Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones.

On reste dans le début de cette décennie 60s pour la musique teenager, adolescente, les booms. Oui, qu'est-ce qu'on a pu danser sur The Locomotion de Little Eva en 1962, qui fut numéro 1 aux États-Unis et numéro 1 en France grâce à l'adaptation de Sylvie Vartan. Il paraît même qu'il y a une adaptation de Grand Funk Railroad en 1974. Ah, je ne la connais pas, ça doit être quelque chose. Mais voici l'original, Little Eva, The Locomotion. Exactement, 29 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.